Chapitre 20e. Washington, le Capitole, le Congrès, Indicus, funérailles d'un membre du Congrès. La route la plus courte pour aller à Washington est par terre. Mais j'avais un grand désir de voir la célèbre baie de Chesapeake, et il fut décidé que nous prendrions le paquebot à vapeur. Sans doute, c'est un charmant petit voyage, et l'on ne regrette pas le temps qu'il emploie. Mais quant à la beauté de la baie, il faut être, je crois, marin pour l'apprécier. Certes, elle offre un abri commode au vaisseau contre les orages de l'Atlantique, mais sa grandeur même empêche qu'elle ne frappe au premier coup d'œil, et ce n'est, à proprement parler, qu'une belle vue de mer. Par exemple, l'entrée de cette baie dans le Potomac a quelque chose de grandiose, et c'est un de ces points où l'on peut se former une idée des proportions gigantesques du pays. Les bords de ce fleuve présentent un spectacle rempli d'intérêt. Mais ce qui efface tout par les souvenirs qui s'y rattachent, c'est le Mont Vernon, résidence du général Washington. C'est là que ce grand homme passa les dernières années de sa noble carrière, et c'est là qu'il est enterré. Nous pûmes distinguer en passant les cyprès qui s'inclinent sur sa tombe. Le lendemain matin, nous n'eûmes rien de plus pressé que de voir le Capitole, et notre impatience ne nous permit pas même d'attendre que nous eussions déjeuné. Les vapeurs du matin étaient encore suspendues autour de ce magnifique édifice quand il parut pour la première fois à nos regards, et je ne sais si cette circonstance ne lui prêta pas encore un caractère plus imposant de grandeur. Quoi qu'il en soit, nous fûmes frappés d'admiration et de surprise. Aucun de nous, je crois, ne s'attendait à trouver un bâtiment aussi remarquable de ce côté de l'Atlantique. Je n'entends rien à décrire des édifices, mais la beauté et la majesté du Capitole américain pourraient défier une plume plus habile que la mienne. Et puis, il est si bien situé, s'élevant, isolé au-dessus de la ville. La terrasse et les marches qui conduisent à la superbe façade de l'ouest sont dans des proportions dont rien n'égale la hardiesse. Celle de l'est, à laquelle beaucoup de personnes donnent la préférence, est de niveau avec un enclos nouvellement planté, mais d'un aspect ravissant qui, dans peu d'années, offrira l'ombrage des plus beaux arbres qui croisent dans l'univers pour calmer l'ardeur et rafraîchir les idées des membres du Congrès. Le Capitole domine la ville et de plusieurs milles à la ronde, c'est un point de vue admirable pour tous les environs. Nous eûmes de nouveau le bonheur de trouver à nous loger chez des personnes très aimables et après le déjeuner, nous quittâmes notre triste hôtel pour aller occuper de très jolis appartements dans la rue F. L'aspect général de Washington me ravit. Animée, légère, bien aérée, cette ville me rappela celle de notre pays où nos fashionables vont prendre les eaux. Les étrangers, même des indigènes, l'ont critiqué souvent, parce que le plan primitif de Washington était sur des dimensions énormes et qu'on n'en a encore exécuté qu'une très petite partie. Mais j'avoue que je n'y vois rien de ridicule. On ne s'est écarté en aucune manière du premier plan qui était admirable, et ce qu'on a fait a été bien fait. De la base de la colline sur laquelle s'élève le Capitole, se prolonge une rue d'une immense largeur, plantée d'arbres de chaque côté et ornée de superbes boutiques. Cette rue, qui s'appelle l'avenue de Pennsylvanie, a plus d'un mille de long, et au bout est la jolie résidence du président, près de laquelle se trouvent les bâtiments nécessaires aux divers services publics, tous gracieux, simples et commodes. Alentour, on a laissé de grandes places où du gazon et des arbrisseaux charment la vue. Dans une autre des principales rues est l'hôtel des postes, et non loin de là, un très bel hôtel de ville. Du côté de l'habitation du président, il y a plusieurs jolies maisons qui sont occupées en grande partie par les ministres étrangers. Les maisons sont disséminées dans les autres quartiers de la ville, mais sans qu'on ait jamais perdu de vue la régularité du plan primitif. Et pour le voyageur qui a parcouru le pays en tous sens, et qui a remarqué le nombre immense de nouvelles fabriques, de nouveaux canaux, de nouvelles routes en fer, de nouvelles cités, qui semblent sortir de terre de tous côtés, l'aspect de la métropole naissante, prenant graduellement un accroissement magnifique, est un spectacle d'un haut intérêt historique. Avant qu'elle ait eu une existence politique individuelle, le commerce avait déjà produit de grandes et belles villes en Amérique, et Washington peut paraître une triste capitale quand il existe des cités telles que Philadelphie et New York. mais j'y vois la capitale naissante d'un pays qui est lui-même encore dans sa croissance. Et Washington a déjà pris une physionomie assez imposante pour soutenir dignement ce rôle. Le séjour des légations étrangères donne à la société de cette ville un ton qui la distingue éminemment de toutes les autres. C'est aussi, pendant une grande partie de l'année, le séjour des sénateurs et des représentants que l'on doit présumer être l'élite de tous les citoyens sous le rapport de l'éducation et des lumières. C'en est assez pour rendre le séjour de Washington plus agréable que celui des autres villes de l'Union. L'absence de tout bruit, de toute odeur qui rappelle le commerce, ajoute beaucoup au charme. Au lieu de charrettes, vous voyez de beaux équipages, et au lieu de marchands et d'acheteurs affairés, d'élégants personnages qui se promènent lentement dans l'avenue de Pennsylvanie. Monsieur Pichet Thompson, le libraire anglais, avec sa jolie collection de toute espèce de jolis ouvrages importés tout récemment de Londres, et Monsieur Untel, le joaillier, avec sa belle boutique remplie de brillants colifichets, sont les principaux points d'attraction. Quel contraste avec les autres villes d'Amérique. Les membres qui passent tous les ans plusieurs mois dans cette douce et noble indolence, n'ayant rien autre chose à faire que de dire quelques mots, pour lesquels ils reçoivent encore une petite douceur de $8 par jour, doivent trouver une bien grande et bien pénible différence quand le temps de leur mission est expiré. Une autre particularité qui distingue les sociétés de Washington, c'est que les hommes y sont en grande majorité. Soit crainte de la dépense, soit ennui de se déranger, soit besoin de l'œil d'un maître au logis, les femmes des membres du Congrès ne les accompagnent pas à Washington. Il y a, je crois, très peu d'exceptions. La société se borne donc pour les femmes aux familles des ministres étrangers, à celles des fonctionnaires, et du petit nombre de membres les plus riches et les plus influents du pays qui amènent leurs épouses avec eux. Quelques propriétaires indépendants résident dans la ville ou dans les environs, mais ils sont en si petit nombre qu'on peut à peine les compter comme une portion de la population. Ce qui est étrange, c'est que même ici, un théâtre ne peut rester ouvert plus de quelques semaines de suite. On me dit que le jeu est l'amusement favori des hommes et qu'ils s'y livrent avec une sorte de frénésie. Mais il faut qu'ici, comme partout ailleurs dans le pays, ce soit tout à fait en cachette, car je ne crois pas avoir vu ouvrir 12 fois un jeu de cartes pendant plus de 3 ans que je restais en Amérique. On joue beaucoup au billard, quoique dans beaucoup d'endroits ce soit un jeu défendu. Il m'a semblé souvent que les lois d'un État étaient faites par les vieilles femmes et violées par les jeunes gens. Malgré le peu d'étendue de la ville, nous trouvâmes beaucoup de choses à voir et à admirer. Le Patent Office, conservatoire des arts et métiers, est un curieux exemple de la fertilité de l'esprit de l'homme, quand il est abandonné à ses propres ressources. Mais on y trouve aussi la preuve que ce n'est pas alors qu'il est employé le plus utilement. Ce conservatoire enferme des modèles de toutes les machines qui ont été inventées dans l'Union, et le nombre en est immense. Je demandai à l'homme qui nous les montrait combien de ces machines étaient devenues d'un usage habituel, et il me répondit « environ 1 sur 1000 ». Il me dit aussi que presque tout était l'ouvrage d'artisans et d'agriculteurs établis dans des provinces lointaines, qui avaient cherché à imaginer quelques machines qui pût leur tenir lieu de celles dont ils avaient besoin, et qu'ils n'auraient pu se procurer qu'en envoyant à quelques milliers de milles de distance. Si leur invention réussissait, ils se passionnaient tellement pour cet enfant de leur industrie qu'ils en apportaient un modèle à Washington pour obtenir un brevet. Au bureau de la secrétaire d'État, on nous montra des lettres autographiées de tous les potentats auxquels l'Union était alliée, ce qui, je crois, les comprend à peu près tous. À ces illustres parchemins étaient attachés les sceaux de chaque monarque, enfermés dans des boîtes d'or ou d'argent artistement travaillées. Je m'amusais de l'espèce d'orgueil avec lequel on me fit voir un des sceaux de l'Union qui venait d'être préparé pour la cour de Russie, en ayant soin de me faire remarquer la supériorité des ornements qui l'entouraient. Certes, il était d'un meilleur goût que les autres. Tout ce que je voudrais, c'est que le sentiment qui animait mon conducteur se répandît dans tous les coins de l'Union. Que l'Amérique ne néglige point ces arts d'agrément qui embellissent la vie, qu'elle les cultive aussi, et je lui ferai une autre visite, et j'écrirai un autre livre qui ressemblera aussi peu que possible à celui-ci. Parmi les signatures royales, il en est 2 qui m'intéressent plus particulièrement, elles étaient de Napoléon. La plus ancienne est un griffonnage indéchiffrable, et suivant la tradition, ce fut à cheval qu'il la traça lorsqu'il était premier consul. Mais son écriture s'améliora sensiblement lorsqu'il fut empereur, car l'autre signature est tracée d'une main ferme et est fort lisible. J'étais violemment tenté de les dérober l'une et l'autre. Le désintéressement des Américains, conséquence naturelle et nécessaire du désintéressement de leur gouvernement, nous fut rendu sensible par l'exhibition de tous les témoignages d'estime, de toutes les pages de considération qui furent offertes par divers souverains aux différents ministres américains, envoyés successivement dans leur cour. L'objet de la loi qui exigea ce dépôt de la part de tous les individus qui avaient reçu de ces marques d'honneur était d'empêcher qu'on ne pût employer ce moyen pour corrompre les envoyés de la République. Il vaudrait mieux, ce me semble, choisir pour ces fonctions des hommes incapables de se laisser séduire par le don d'une épée ou d'une tabatière. Mais sans doute ils savent bien ce qu'ils font. L'hôtel des affaires des Indes contient une salle d'un grand intérêt. Les murs en sont entièrement couverts des portraits originaux de tous les chefs qui sont venus, à différentes époques, négocier avec leur grand-père, comme ils appellent le président. Ces portraits sont de M. King, et sans doute d'une grande ressemblance, comme tous ceux que j'ai vus de ce peintre. Les figures sont pleines d'expression, mais d'une expression presque uniforme, ou du moins qu'on n'aurait pu diviser qu'en deux classes, l'une d'un noble et belliqueux courage, l'autre d'une douce et naïve simplicité, qui nous parut peut-être d'autant plus touchante que dans le moment où nous les regardions, ces cœurs qui prêtaient aux yeux une expression si bienveillante et si amicale étaient déchirés par un acte cruel et tyrannique de leur grand-père. Nous nous trouvions à Washington à l'époque où la mesure, pour chasser de leurs forêts primitives les derniers restes de quelques tribus indiennes, fut arrêtée par le Congrès et sanctionnée définitivement par le fiat du président. Si l'on peut juger du caractère des Américains par leur conduite dans cette occasion, ils n'ont aucun sentiment d'honneur ni de justice. C'est parmi eux, c'est de leur bouche, que j'ai recueilli des détails qui montrent qu'ils poussèrent la trahison et la mauvaise foi au-delà de toute croyance dans leur relation avec les malheureux Indiens. Si, pendant mon séjour aux États-Unis, j'avais découvert dans leur caractère national un seul trait qui pût justifier leurs éternelles protestations de libéralité et d'amour de la liberté, j'aurais pu les respecter, malgré tout ce qui répugnait à mes goûts dans leurs manières et leurs usages. Mais il est impossible qu'une âme honnête ne soit pas révoltée des contradictions que présentent leurs actions et leurs principes. Ils se répandent en invectives contre les gouvernements d'Europe qui, disent-ils, favorisent le puissant et oppriment le faible. C'est l'éternel sujet des déclamations du Congrès, des hurlements des tavernes, des discussions des salons, des satires du théâtre et même des anathèmes de la chair. Écoutez bien, et puis ensuite regardez-les chez eux. Vous les verrez agitant d'une main le bonnet de la liberté et de l'autre fouettant leurs esclaves. Vous les verrez haranguant la populace sur les droits indestructibles de l'homme et l'instant d'après chassant de leur demeure les enfants du sol qu'ils se sont engagés à protéger par les traités les plus solennels. Par un sentiment de justice pour ceux qui n'approuvent pas cette politique perfide, je citerai un paragraphe tiré d'un journal de New York qui montre qu'il se trouve parmi eux des hommes qui exècrent la mesure décrétée à Washington en 1830. Nous ne connaissons pas de sujet à présent qui intéresse davantage notre réputation de justice et d'intégrité que celui qui concerne les tribus indiennes de la Géorgie et de l'Alabama, et notamment les Cherokees dans le premier État. L'acte rendu par le Congrès, coïncidant avec le statut injuste et tyrannique de la Géorgie, porte un coup terrible à la réputation des États-Unis, qui avaient engagé leur foi dans une foule de circonstances et par les traités et les contrats les plus solennels. On nous montra beaucoup d'objets intéressants dans l'hôtel des affaires des Indes. Mais par suite de la position particulière de ce peuple malheureux et si maltraité, cet intérêt avait quelque chose de pénible. Les costumes dans lesquels les chefs sont peints sont presque tous splendides et ornés à leur manière. La salle contient de nombreux échantillons de leur adresse et même de leur goût. Dans une armoire vitrée sont rangés des tissus de mousseline brodée et d'autres ouvrages à l'aiguille, quelques modèles d'écriture et d'autres petites reproductions d'Indiens et d'Indiennes qui montrent tous qu'ils sont parfaitement susceptibles de civilisation. Ce qui rend leur expulsion de leur terre natale d'autant plus déplorable, c'est qu'ils cédaient rapidement à l'influence de l'exemple. Ce n'étaient plus des chasseurs vagabonds, mais ils commençaient à devenir agriculteurs. Et ce n'est plus seulement leur terrain de chasse, leur source favorite, les ossements sacrés de leur père qu'il leur a fallu quitter. La force brutale les a chassés des demeures que leur progrès dans les arts de la vie leur avait appris à rendre plus commodes, de champs nouvellement labourés et arrosés de leur sueur. Et pourquoi? Pour ajouter quelques mille acres de territoire aux solitudes à demi peuplées qui les entourent. Le Potomac, en arrivant à Washington, fait un circuit qui forme une sorte de baie autour de laquelle la ville est bâtie. À l'endroit où il se détourne, il est traversé par un pont de bois qui unit les bords du Maryland et de Virginie. Ce pont, qui a 1 mille et un quart de longueur, est assez laid. Le chantier de la marine et l'arsenal sont au-dessus, du côté de Maryland, et longent agréablement le fleuve. Près de l'arsenal, beaucoup trop près, est la maison de pénitence. Comme elle venait d'être achevée et qu'elle n'était pas encore habitée, nous pûmes l'examiner dans toutes ses parties. Elle est destinée à recevoir les malheureux condamnés à une détention perpétuelle. Un gibet est un spectacle moins horrible que l'une de ces lugubres cellules, et certes, quand la prison à perpétuité est substituée à la peine de mort, ce n'est pas montrer une grande pitié pour le criminel. Mais s'il inspire une plus grande terreur aux malfaiteurs, le but qu'on doit se proposer est atteint. Sur 100 malheureux qui seraient enfermés, je ne crois pas qu'au bout d'une année il s'en trouve un seul qui ait voulu y rester, avec la certitude de n'en sortir jamais, si on lui offrait l'option d'être pendu. J'avais écrit une description de ces horribles cellules, mais le tableau que le capitaine Hall a tracé d'une maison semblable est si fidèle et si précis que je trouve inutile de l'insérer ici. En suivant toujours le circuit de la rivière, à 2 milles de Washington, est Georgetown, ville très commerçante autrefois et qui pourra, je crois, le redevenir quand les canaux de l'Ohio et du Chesapeake, qui joignent dans cet endroit le Potomac, seront en pleine activité. C'est une jolie ville, d'où l'on découvre une vue superbe, dont le Potomac et le Capitole forment les principaux traits. La contrée s'élève graduellement derrière Washington, et cette belle chaîne de collines forme une sorte de terrasse ondoyante jusqu'à Georgetown. Cette terrasse est presque entièrement couverte de maisons de campagne. À Georgetown, le Potomac se resserre tout à coup et prend cet aspect rocailleux et irrégulier qui signale son cours, présentant sur ses rives, jusqu'à ce qu'il joigne le Shenandoah à Harper's Ferry, les vues les plus sauvages et les plus romantiques qui se trouvent en Amérique. Une de nos grandes occupations fut naturellement de suivre les discussions du Congrès, et en ma qualité d'anglaise, je n'en fus que plus empressé de profiter du privilège qu'on nous accorde ici. On me fit observer à plusieurs reprises que, du moins, dans cette occasion, les Américains se montraient plus galants que les Anglais, puisqu'ils avaient dans la Chambre des représentants une tribune exclusivement réservée aux dames, tandis qu'en Angleterre, l'entrée de la Chambre des communes leur est rigoureusement interdite. Mais la conclusion que j'en tire est tout l'opposé de celle à laquelle on voulait m'amener. On sait que, si les dames furent exclues de la Chambre des communes, ce fut parce que leur présence était un aimant trop puissant et que tant de membres négligeaient les affaires soumises à leur décision pour jouir du plaisir de causer avec les belles spectatrices des galeries qu'il devint de l'intérêt national de les exclure et leur exclusion fut prononcée. Il se passera longtemps avant que la législature américaine juge nécessaire de porter une loi semblable pour la même raison. Cependant, une dame de Washington me raconta une anecdote qui semblerait montrer qu'il dépendrait des Américains d'opérer un changement dans les manières des hommes à leur égard. Elle me dit que lorsque les Miss Wright étaient à Washington avec le général Lafayette, elles assistaient souvent aux séances, et que les membres les plus distingués se groupaient toujours autour d'elles. Ils s'excusaient auprès de leurs belles compatriotes de cette galanterie inaccoutumée en disant que, si elles prenaient un égal intérêt au débat, leur galerie serait toujours remplie de représentants. Le privilège d'assister aux séances serait plus précieux si l'on entendait de la galerie. Mais malgré l'attention la plus soutenue, je ne pus suivre qu'un ou deux orateurs qui avaient une voix nette et sonore. Aussi était-ce un véritable travail que d'écouter. Mais l'extrême beauté de la chambre mérite seule maintes et maintes visites. Toutefois, c'était vraiment un spectacle repoussant que de voir cette belle salle, ornée avec tant de luxe et de magnificence, rempli d'hommes assis dans les attitudes les plus inconvenantes, la plupart le chapeau sur la tête et crachant presque tous d'une manière que je n'oserais vraiment pas décrire. Il faut être juste. Quelques membres avaient la tête découverte et étaient assis raisonnablement sur leur siège, sans jeter leurs jambes au-dessus de leur tête. Quand je demandais le nom de l'une de ces rares exceptions, la réponse était toujours la même, c'était monsieur tel ou un tel de la Virginie. Un jour que les galeries étaient fermées par suite de quelques travaux entrepris pour remédier au grave inconvénient de ce que, dans la partie de la salle occupée par les membres du congrès, on entendait à peine l'orateur, nous eûmes le bonheur de nous placer en bas sur les sofas qui sont entre les colonnes. Nous entendîmes beaucoup mieux que dans les tribunes, et assez bien pour nous amuser extrêmement de l'éloquence rude et brutale d'un orateur de Kentucky qui employait avec un rare bonheur les dictons de sa province. Si je ne me trompe, toutes les discussions auxquelles j'assistais dans le Congrès américain roulèrent sur un seul et même sujet, l'entière indépendance de chaque État individuel par rapport au gouvernement fédératif. La jalousie sur ce point me parut être le sentiment politique le plus étrange qui eût jamais pris possession de l'esprit de l'homme. Je ne prétends pas décider la question. Je ne parle que de l'effet bizarre, de voir une foule de membres se lever vivement l'un après l'autre pour déclarer que le tort le plus grand, l'injustice la plus criante, l'acte de tyrannie le plus révoltant qu'on pût commettre envers l'État qu'il représentait, était de voter quelques millions de dollars pour faire des routes ou des canaux ou pour dessécher des marais, en un mot, pour une amélioration quelconque. Pendant le mois que je passais à Washington, j'entendis beaucoup parler de la non-réélection de l'un des membres les plus distingués du Congrès. Le crime pour lequel il avait perdu les voix de ses amis les plus dévoués et de ses plus chauds admirateurs était d'avoir voté des fonds pour le dessèchement d'un district humide et malsain appelé le Marais Infect. Les Américains se vantent beaucoup de n'avoir pas de dette nationale, ou du moins qu'ils n'en auront pas dans 2 ans. On ne s'en étonnera pas si l'on considère combien leur tarif est productif, tandis que le revenu de leur président est de 6 000 livres sterling par an, que ceux des fonctionnaires de l'État sont en proportion, et que toute mesure d'amélioration intérieure aux dépens du trésor public est repoussée comme inconstitutionnelle. La chambre du Sénat est comme la salle du Congrès, semi-circulaire, mais dans des dimensions beaucoup plus petites. Elle est décorée avec beaucoup d'élégance, et ce qui vaut encore infiniment mieux, les sénateurs en général paraissent se respecter. Ils ne gardent pas leur chapeau sur leur tête, et l'activité de la jeunesse étant heureusement passée, ils ne rejettent pas leurs talons au-dessus de leurs épaules. Je voudrais pouvoir ajouter qu'ils ne crachent pas, mais malheureusement toutes les paroles sont enregistrées dans le ciel, et je ne veux pas proférer un mensonge. Une très jolie salle ayant un beau balcon en pierre sert de bibliothèque aux membres du Congrès. La collection, autant qu'un coup d'œil rapide me permit d'en juger, ressemblait à celle qu'on trouverait chez un particulier en Angleterre, quoique moins riche en ouvrages latins, grecs et italiens. Un superbe tapis de Bruxelles, des tables couvertes de portefeuilles de gravure, une quantité de sofas, etc., composent l'ameublement de cette pièce, dont la vue est magnifique et où le luxe s'allie au bon goût. Je n'ai nullement la prétention de décrire tous les appartements de cet immense édifice, mais la magnifique rotonde qui est au milieu mérite néanmoins une mention particulière. C'est une belle et noble salle ayant 100 pieds de diamètre et d'une hauteur imposante qui est éclairée par une vaste coupole. Presque tous les tableaux, à l'exception des cartons, paraîtraient mesquins dans cette salle à cause de l'immense hauteur des murailles. Mais les sujets des 4 tableaux qui s'y trouvent sont d'un tel intérêt historique qu'ils devaient nécessairement trouver place quelque part comme monuments nationaux. C'est la signature de la Déclaration de l'Indépendance, la résignation de la présidence par le grand Washington, la célèbre victoire du général Gates à Saratoga, enfin, je ne me rappelle pas en ce moment le 4e, mais je crois que c'est quelque autre action militaire, peut-être celle de la ville d'York. Il est encore une autre chose remarquable que je ne dois point passer sous silence. Quoiqu'elle se trouve dans une partie si obscure du Capitole, qu'un ou deux membres auxquels j'en parlais n'en soupçonnaient pas même l'existence. Sous la rotonde, dans la partie inférieure de l'édifice, il y a une infinité de cours, de salles de comité et d'autres pièces de dégagement. Dans un vestibule conduisant à plusieurs salles, le plafond est soutenu par des colonnes dont les chapiteaux me parurent d'une beauté remarquable. Ils se composent d'épis et de gerbes de blé indien, disposées avec beaucoup d'art, et offrant un coup d'œil aussi gracieux que l'acanthe même. C'est le seul exemple que j'ai vu où l'Amérique est tentée d'être elle-même et de sortir des voies de limitation. Je ne me jetterai pas dans de longues réflexions à ce sujet, mais si l'Amérique, au milieu de ses vastes domaines, avec les immenses ressources que lui offre la nature, et avec son caractère particulier de grandeur, voulait être originale, elle serait infiniment plus pittoresque et plus intéressante. Le président donne tous les 15 jours, le mercredi, des soirées que l'on appelle « ses levées ». En prononçant ce mot, les Américains, tout à l'opposé des Français et des Anglais, allongent considérablement la dernière syllabe. Comme il revient continuellement dans la conversation, l'effet qu'il produit est tout à fait bizarre. Et je crus pendant longtemps qu'on voulait par là se moquer de ses solennités périodiques. Les salles de réception sont très belles, notamment le grand salon, qui est meublé avec élégance et même avec luxe. L'ameublement a été renouvelé depuis la visite du capitaine Hall, dont les remarques sur l'ancien état de cette pièce ont pu hâter cette restauration. Cependant, il y a encore quelques anomalies que je ne relèverai pas. La société était à peu près aussi choisie que celle qui se rassemble le jour de Pâques au bal de Mansion House. Les églises de Washington ne sont pas très belles. Celles des épiscopaux et des catholiques étaient remplies de dames élégamment parées. À Washington, je remarquais plus d'hommes dans les églises que partout ailleurs. Les dames presbytériennes vont à l'église 3 fois par jour. Mais cependant, Washington a le dimanche un aspect beaucoup moins puritain que la plupart des autres villes d'Amérique. On se promène librement, et il n'y a point, comme à Philadelphie, des chaises dans les rues pour empêcher qu'on aille à cheval ni en voiture. Les dames se mettent bien, mais avec moins de recherche qu'à Baltimore. Je remarquai qu'à Washington, il n'était pas rare qu'une dame prît le bras d'un cavalier sans qu'il fût son mari, son père ou son frère. Ce relâchement remarquable du décorum américain doit être attribué sans doute à la présence des légations étrangères. À environ 1 mile de la ville, sur la terrasse que nous avons déjà décrite, est une jolie résidence à laquelle le propriétaire a donné le nom de Kalerama. Elle n'est ni grande ni somptueuse, mais la vue en est charmante et derrière se prolonge un petit bois qui peut couvrir 200 acres de terre et qui descend par une pente douce jusqu'à une petite rivière froide et sombre, si complètement entourée de rochers et d'arbres verts que Diane et ses nymphes pourraient s'y baigner en plein midi. Ce bois est rempli de fleurs sauvages qui feraient l'ornement de nos parterres. À Georgetown, un bac traverse le Potomac, et environ 2 miles de là, du côté de la Virginie, est Arlington, résidence de M. Curtis, qui est le petit-fils de la femme du général Washington. C'est un noble manoir dont le portique, orné de belles colonnes blanches, se détache sur un fond obscur de bois verdoyant qui forme un aspect pittoresque. À Georgetown, il y a un couvent où l'on élève de jeunes personnes et à peu de distance, un collège de jésuites où, au terme du prospectus, on enseigne les humanités. Nous entendîmes la messe à la chapelle du couvent où les voix des femmes qui chantaient les hymnes étaient très agréables. L'abbesse voilée, placée au fond de son petit parloir, que nous n'apercevions qu'à travers une grille et un rideau noir, mais dont les contours étaient pourtant éclairés par une fenêtre gothique qui était derrière elle, attira surtout notre attention. Nous distinguions le bruit qu'elle faisait en se mettant à genoux, et même en comptant les grains de son chapelet, mais c'était un bruit si vague, si vaporeux en quelque sorte, qu'on eût dit d'un être qui avait quitté cette vie, et qui était déjà sur les limites de l'empire des ombres. Le couvent avait un grand parc, dans lequel je vis souvent, des hauteurs environnantes, de sombres figures, revêtues d'épais voiles noires, se promener solennellement. On me montra à Washington la dame américaine qui fut le sujet de l'un des célèbres miracles du prince Hohenlohe. Tout le monde assure que sa guérison fut miraculeuse. Il y avait beaucoup d'étrangers à Philadelphie et surtout de Français. À Paris, j'ai souvent remarqué que c'était la mode de parler de l'Amérique comme d'une nouvelle utopie, notamment par les jeunes libéraux, qui, avant l'heureux avènement de Louis-Philippe, s'imaginaient qu'un pays sans roi était la terre promise. mais je me suis dit souvent qu'il en est de l'Amérique comme de beaucoup d'autres belles choses, qui perdent de leur éclat quand on les voit de trop près. Voici une question et une réponse que s'adressèrent devant moi deux jeunes Français qui paraissaient se voir pour la première fois. « Eh bien, monsieur, comment trouvez-vous la liberté et l'égalité mises en action ?»« Mais, monsieur, je vous avoue que le beau idéal que nous autres, nous avons conçu de tout cela à Paris, avec quelque chose de plus poétique que ce que nous trouvons ici. » Dans une autre occasion, je m'amusais beaucoup de la manière dont un de ces jeunes gens répondit à une question d'un de ses compatriotes. Une jeune femme très jolie, mais n'ayant aucune tournure, était arrêtée à quelque distance et tout près d'eux se trouvait un monsieur d'un aspect plus que bizarre. « Quelle est cette jeune dame ?» demanda le Français. « Monsieur, » dit mon jeune fat, « c'est la femelle de ce mâle. » Et il fallait voir la grimace expressive par laquelle il indiquait son voisin. Le théâtre n'était pas ouvert quand nous étions à Washington, mais je revins le visiter ensuite. La salle est petite et mal décorée, si l'on considère que c'est le seul lieu d'amusement public que la ville renferme. J'ai déjà parlé des manières, par trop sans façon, des spectateurs au théâtre de Cincinnati. Celui de Washington ne lui cédait en rien sous ce rapport, et c'était un laisser-aller, ou, si vous voulez, une liberté qui semblait dédaigner les lisières de la civilisation. Un homme du parterre fut pris d'un violent vomissement qui ne parut nullement surprendre ni incommoder ses voisins. Et par une heureuse coïncidence, un des personnages de la pièce, qui se trouvait être un médecin, étant venu apparaître sur le théâtre, ce fut le signal de bruyants éclats de rire et de vives acclamations qui redoublèrent lorsque l'acteur dit en s'approchant de la rampe « Il paraît qu'on a besoin ici de mes services. » C'était de tous côtés un crachement continuel, et il n'y avait pas un spectateur sur 10 qui fût assis d'une manière convenable. Tantôt c'était les jambes qui s'étendaient sur le devant de la loge, ou même par-dessus, tantôt c'était un sénateur qui se couchait tout de son long sur un banc. J'en ai même vu qui s'asseyait sur la balustrade. Je vis un jeune homme, qu'à sa mise élégante et recherchée je reconnus pour un personnage important, prendre dans la poche de son gilet de soie une poignée de tabac et la déposer délicatement dans sa bouche. Je suis porté à croire que cette habitude grossière et universelle de mâcher du tabac est la cause d'une particularité remarquable que présente la physionomie des Américains. Ils ont presque tous les lèvres minces et rétrécies. M'appuyant sur la théorie de l'abatteur, je l'attribuais d'abord au tempérament aride des habitants. Mais l'habitude dont je parle, comme à toutes les classes, les gens de lettres exceptés, l'explique suffisamment. Et la position que les lèvres sont forcées de prendre pour exprimer le jus de cette herbe fétide donne cette expression remarquable à la figure américaine. Un membre du Congrès vint à mourir pendant que nous étions à Washington et je fus surprise de la pompe et de la magnificence de son enterrement. Il paraît que lorsqu'un sénateur ou un membre du Congrès meurt pendant la session, il est enterré aux frais du gouvernement. Cette cérémonie n'entrant pas heureusement dans le chapitre des améliorations intérieures, et tous les détails des funérailles ne sont pas réglés par ses amis, mais deviennent des affaires d'État. Je transcris l'ordre du cortège comme assez imposant. Aumônier des deux chambres, médecin du défunt, comité d'arrangement, le corps, le drap mortuaire porté par 6 membres, les parents du défunt avec les sénateurs et les représentants de l'État auquel il appartient, comme menant le deuil, le sergent d'armes de la Chambre des représentants, la Chambre des représentants, son orateur à sa tête, le Sénat des États-Unis, le vice-président et le secrétaire à la tête, le président. Le cortège était fort long. On n'allait pas à pied mais en voiture, la plupart de louage. Le corps fut enterré dans un cimetière en plein air près de la ville. Je n'ai pas vu le monument qui fut construit à cette occasion, mais je présume qu'il ressemble à ceux que j'avais aperçus dans le même cimetière et qui sont conservés à la mémoire des membres du Congrès morts à Washington. Ce sont des blocs de pierre carrée qui n'ont rien de remarquable.